Chapitre 54. Le mérite de pleurer par crainte d'Allah et par désir de le rencontrer. Allah Ta'ala dit: Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point? Sourate 53, verset 59-60. 446. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a dit « Récite-moi le Coran ». J'ai répondu « Ô messager d'Allah, veux-tu vraiment que je te le récite alors que c'est sur toi qu'il est descendu ?» Il répondit « J'aime l'écouter de la bouche d'un autre ». J'ai alors commencé à lui réciter la sourate les femmes. Mais arrivé au verset « Quand sera-t-il quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, ô Muhammad, comme témoin contre ces gens-ci » Sourate 4, verset 41. Arrivé au verset, il me dit « Cela suffit maintenant ». Je me suis alors tourné vers lui et j'ai vu ses yeux déborder de larmes. Al-Bukhari et Muslim. 447. Anas radiallahu anhu rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous fit un prêche, je n'en avais jamais entendu de pareil auparavant, au cours duquel il dit « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » Les compagnons du messager d'Allah se couvrirent alors le visage et éclatèrent en sanglots. Al-Bukhari et Muslim. 448. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Aussi longtemps que le lait ne pourra retourner dans la mamelle, celui qui a pleuré par crainte d'Allah ne pourra entrer en enfer. De même, ne se mélangeront jamais la poussière soulevée dans le sentier d'Allah au djihad et la fumée de l'enfer. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 449. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y a sept sortes de personnes qu'Allah protégera de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le dirigeant juste, le jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées, deux hommes qui s'aimant en Allah se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. L'homme qui, sollicité par une belle femme de haut rang, lui répond « Je crains Allah ». L'homme qui fait l'aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite. Et enfin l'homme qui, loin des regards, se rappelle Allah dans son dhikr, puis fond en larmes. Al-Bukhari et Muslim. 450. Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu anhu, rapporte. Je suis allé chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et je l'ai trouvé en prière. On entendait comme le son d'une marmite en ébullition émanant de sa poitrine à cause de ses pleurs. Hadith authentique rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi dans Ash-Shama'il avec une chaîne isnad authentique. 451. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, Allah azza wa jal m'a ordonné de te réciter les infidèles parmi les gens du livre, sourate 98, la preuve évidente. Ubay demanda, m'a-t-il cité nommément? Oui, répondit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors, Ubay se mit à pleurer. Al-Bukhari et Muslim. 452. Anas, radiyallahu anhu, rapporte qu'après la mort du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr a dit à Omar, radiyallahu anhuma, « Allons rendre visite à Ayman, comme le faisait le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. » Ayman était l'ancienne nourrice et domestique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils arrivèrent chez elle, elle se mit à pleurer. Ils lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour le messager, alayhi salatu wassalam, que ce monde ?» Elle répondit « Je ne pleure pas parce que j'ignore cela, mais parce que la révélation a cessé de descendre du ciel. » Et en entendant cela, ils se mirent eux aussi à pleurer. Muslim. 453. Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte. Quand la maladie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'aggrava, on le consulta à propos de l'imam qui devait diriger la salat. Il répondit, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière en commun. Aïcha, radiallahu anha, en parlant de son père, lui dit, Abu Bakr est un homme sensible qui, lorsqu'il lit le Coran, se met à pleurer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, ordonnez-lui de diriger la prière en commun. Dans une autre version, Aïcha radiallahu anha a dit, Abu Bakr, lorsqu'il prend ta place, a du mal à se faire entendre par les gens à cause de ses pleurs. Al-Bukhari et Muslim. 454. D'après Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Auf, un repas fut présenté à Abdirrahman ibn Auf, son père, radiallahu anhu, alors qu'il avait jeûné ce jour-là. Il dit, Mus'ab ibn Omer est mort au combat alors qu'il était meilleur que moi. Nous ne lui avons trouvé comme linceul qu'un vêtement si court que si on lui couvrait la tête, ses pieds se découvraient, et inversement. Puis les richesses de ce monde nous furent accordées sans compter, me faisant craindre que la récompense de nos œuvres nous ait déjà été attribuée ici-bas, et non préservée pour l'au-delà. Il se mit alors à pleurer et laissa son repas. Al-Bukhari 455. D'après Abu Umama ibn Sudayy ibn Ajlan al-Bahili, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Rien n'est plus cher à Allah ta'ala que deux sortes de gouttes. Une larme versée par crainte d'Allah et une goutte de sang perdue dans le sentier d'Allah. Et deux traces. Une trace laissée dans le sentier d'Allah ta'ala et une autre laissée dans l'accomplissement de l'une des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. » At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan Sahih. Les traditions prophétiques concernant ce chapitre sont nombreuses, comme celle-ci. 456. Al-Irbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, a dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous fit un prêche si éloquent que nos cœurs en furent saisis de peur et nos yeux débordèrent de larmes.